le cabanisme, une perspective sur un mouvement méconnu que j'ai réalisé, donc Marie-France Beaupré, jusqu'au mois de juin, oui, à la Maison de la culture Frontenac. Les cabanistes, c'est en fait un mouvement qui est tout autour d'un personnage très coloré qui s'appelait Yvon Chassé, qui, à un moment donné, a tout brûlé sa production pour assainir son art, pour faire un art qui est davantage près des images qu'on se fait de ce que c'est le Québec, donc comme la chemise de chasse, par exemple, le poussiéreau d'érable, etc. Cet artiste-là, Yvon Chassé, quand il a tout brûlé sa production, il appelait ça les décapages, il a attiré vers lui d'autres artistes qui se sont mis à s'intéresser à ses valeurs et qui se sont joints. Donc, il y a de l'art politique chez les cabanistes, la protection du paysage est très importante. Et il y a même du land art. Effectivement, les cabanistes peuvent être très provocateurs et on peut voir comment un mouvement qui formellement est très, très différent les uns des autres, toutes les œuvres, là, il y en a pour tous les goûts. Les œuvres des cabanistes peuvent nous toucher, mais peuvent aussi nous secouer un peu les puces, puis c'est ce qui est très apprécié dans cette exposition. Pas besoin d'être amateur d'histoire de l'art pour apprécier l'exposition des cabanistes parce que, justement, les œuvres puisent à l'intérieur de notre univers. Donc, le propos cabaniste peut être compris vraiment par tout un chacun, ça c'est certain. Et avec l'audio guide, il y a vraiment un support à la visite, c'est pas très très long. Et puis, ça permet vraiment de comprendre l'esprit, la démarche de chaque artiste, de les comparer. Et puis, c'est rare dans les maisons de la culture qu'on offre un audio guide, puis en art contemporain, c'est encore plus rare. Là. Donc, ça vaut vraiment la peine et c'est gratuit. We'll be right back.